à 20h, le mercredi en plus. C'est la saga des femmes fortes. Comment allez-vous, messieurs, dames? J'espère que tout va bien. J'espère que vous ne ferez pas comme moi. Il fait chaud. J'étais dans les bouchons. Et à un moment donné, je n'étais plus dans les bouchons. Et ma voiture avançait encore un peu. Et sans doute John Lennon ou George Harrison. Ou je ne sais pas qui. Ma bonne étoile, en tout cas, m'a dit « Tiens, tiens, Thierry, tu roules ?» Et j'ai ouvert les yeux et je me rapprochais de la voiture d'en face. Et j'ai freiné. Et tout va bien. Ouais, je suis fatigué. Bon, c'est Thierry Grellet, c'est la saga des Fab Four numéro 640. C'est encore, oui, pour ceux qui n'aiment pas, ça doit être la torture. C'est encore un spécial Paul McCartney pendant 2 heures, mais cette fois-ci de 1993 à 2025. Et parce que c'est vous qui l'avez décidé aussi, il y aura un troisième Best of McCartney qui reprendra ce qu'on n'a pas écouté entre 1970 et 1992 et ce qu'on n'aura pas écouté ce soir entre 1992 et 2025. Bref, trois McCartney à la suite, trois Best of McCartney pour avoir 6 heures de McCartney pour être juste un peu content de ce Best of. En tout cas, je sais que ça vous plaît. Donc, je ne vous donne pas les titres, hein, mais par contre, les albums, on partira de l'album Off the Ground pour aller jusqu'à l'album 3. Voilà, pour ce soir. Vous le retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et Vogue la galère. Non, pas la galère, on dirait que c'est pas bien. Non, Vogue le navire. Le navire, c'est mieux. Vous passez à table, bon appétit. Moi, je mangerai plus tard. C'est Thierry Gallet et c'est La Saga des Fab Four. L'album dont on va parler, c'est l'album Off the Ground en 1993. Avec une curiosité, sur la pochette, on ne voit pas McCartney, mais c'est le pied pourtant. Ils sont tous en l'air. Bah oui, Off the Ground, c'est dégagé du sol, c'est hors sol si on veut. Donc c'est compréhensible, il décolle si vous voulez. Voici le premier titre, le titre qui a donné son nom à l'album, à moins que ce soit le contraire. Off the Ground, ça démarrait très très bien en 93. Pendant 2 heures, un spécial Paul McCartney. We'll be right back. Off the Ground procure le même sentiment que jadis Venus and Mars et Pipes of Peace. Ces trois albums ont en commun de succéder à des œuvres plus éclatantes, saluées par la critique et vénérées par le public. En dignes héritiers, ils surfent tous trois allègrement dans le sillage tout tracé de leurs prédécesseurs, mais avec un léger déficit de panache et de fraîcheur. On pourrait appeler ça le syndrome des suites, un phénomène qu'on observe bien plus fréquemment avec les films à succès, dont les ressucées commerciales sont généralement décevantes. Généralement bien accueillis, Off the Ground ne bénéficie pas de l'enthousiasme soulevé par Flowers in the Dirt, dont il reproduit pourtant d'assez près la formule. Production fouillée, méticuleuse et précieuse, mais également énergique, tendue et souvent à consonance très rock. Même formation, à l'exception d'un nouveau batteur, et deux nouvelles compositions en collaboration avec Elvis Costello. Une fois encore, la mention « excellent » s'impose avec en filigrane une légère et indéfinissable déception. On en attendait plus, toujours plus, tout en regrettant dans le même temps de penser injustement cela. Depuis quelques années, McCartney a retrouvé le souffle qui lui fait un peu défaut au milieu des années 80, et surtout certaines convictions. Il renoue avec l'esprit primitif du rock, les prises directes et instinctives pour une spontanéité qu'il estime être la première vertu. Sans autre forme de procès, il s'enferme avec ses musiciens et leur dévoile à la guitare ou au piano les 23 compositions qu'il a accumulées. Pas de maquette élaborée, juste des chansons nues qui offrent aux membres du groupe une belle occasion de construire une œuvre plus réellement collective. Après avoir passé de longs mois à conjuguer leurs accords sur les scènes du monde entier, ils ont développé une connivence qui est tout particulièrement sophistiquée sur de nombreux aspects. Mais c'est avant tout un album de groupe auquel chacun a apporté sa pierre avec un constant souci de justesse et de pertinence. L'éclat ne vient jamais de la performance de l'un ou de l'autre, mais de l'alchimie de l'ensemble. Dans certains esprits de corps, du son très live et d'un sentiment de liberté qui transpire d'un bout à l'autre, je crois, c'est le secret de l'album, en conclut Paul McCartney. L'ex-Beatles a tout juste atteint le demi-siècle lorsqu'il publie ce premier album studio des années 90. Avec l'âge, il devient indéniablement de plus en plus attentif aux mots que sa voix véhicule. Sa collaboration rapprochée avec Elvis Costello témoigne de cette exigence de qualité et leur face-à-face a probablement aiguisé chez lui un légitime désir de reconnaissance à cet endroit. McCartney se montre ici plus particulièrement en verve. Il a l'onirisme contagieux, le point de vue affirmé et la rime ingénieuse. Il renoue nettement avec un certain idéalisme des 60s, conjugué avec une forme d'humanisme et à la conscience aiguë d'une écologie dont il se fait un infatigable porte-parole. Ouf, eh bien on va écouter la suite. La suite, vous la connaissez, elle a fait un hit en France. C'est Hope of Deliverance sur RG. J'allais dire quoi, sur Facebook? N'importe quoi. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the dark.

McCartney nous présente au moins un chef-d'œuvre par décennie, au moins. Celui-ci, Flaming Pie, alors à mes yeux, quand l'album est sorti, ça commençait mal. Je n'aimais pas la photo de l'album, je trouvais Paul McCartney triste, il est presque noir et blanc, pas tout à fait, non, mais on dirait presque un gars qui est mort ou pas loin. Mais le contenu, qu'est-ce qu'il est bien le contenu, qu'est-ce qu'il est très très bien. Donc j'ai révisé ça bien sûr en disant que Flaming Pie est un album superbe. Et pourquoi Flaming Pie? Parce que John Lennon avait décidé que les Beatles s'appelleraient Beatles B-E-A-T-L-E-S. D'abord, ça vient de Beatles B-2-E-T-L-E-S, qui était un hommage à Buddy Holly and the Crickets. Je crois que c'est ça, hein. Donc c'était Beatles comme les scarabées, tu vois, pour faire une sorte de petit truc marrant. Et puis surtout, en Angleterre, the beat, B-E-A-T, c'est le rythme. Donc ça faisait un néologisme, un truc qui n'existait pas, et c'était un bon moyen de se faire repérer. Et puis, John Lennon, n'hésitant pas à être un petit peu complètement dingue, il avait dit, oui, un jour, quelqu'un est venu sur une tarte enflammée, et puis il m'a dit, tu t'appelleras les Beatles avec un A. Donc Flaming Pie, voilà, ça vient de là. Et McCartney, on a fait une chanson en 1997. Look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days into your soul. Sometimes I laugh to think how young we were. Sometimes it's hard to know which way to turn. I laugh to think how young we were. We don't need anybody else to tell us what is real. Inside each one of us is love. Some days I look into your soul. Et puis, parce que son pote Ringo était là, Paul McCartney est allé déterrer une chanson de 1992 qu'il avait presque terminée, mais pas tout à fait. Il l'a proposé à Ringo, il a donc rajouté un petit plus. Donc, il est crédité, je crois bien. Il faudrait que je regarde ça. Il est crédité sur la pochette et puis on l'entend chanter. Donc, hein, c'est une sorte de petite collaboration avec Paul McCartney. Et il y a aussi un certain Georges Martin qui est venu pour sans doute la dernière fois parce que malheureusement, il commençait à être dur de la feuille, Georges Martin. Il fera un album rassemblant tous ceux qu'il a aimés en 1998 et après, il ne fera plus grand-chose au niveau de la production. Bon. Mais cette chanson, qu'est-ce qu'elle est belle? C'est Beautiful Night. Si elle était sortie du temps des Beatles, ça aurait été aussi bien. Someone's gone out fishing. Someone's high and dry. Someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky. And I'm left stranded, wondering why. You and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. Pellone. Rock is good. Good. Don't you think? Enfoncer Elvis. Oh, c'était il y a une quarantaine d'années plus tard. Là, c'était en 1999 sur l'album Run Devil Run. Et sinon, je voulais vous dire au sujet de l'album précédent. L'album précédent, c'était, je vous avais dit que la chanson Beautiful Night avait été coécrite avec Ringo Starr. Non, Ringo Starr a joué sur trois morceaux sur cet album-là. dont un qui était une jam qui est devenu Really Love You. Là, c'est plutôt triste, il a perdu Linda. Et qu'est-ce que fait Paul McCartney quand il est extrêmement triste, quand il souffre énormément? Il revient aux racines. Donc, ben les racines pour lui, c'est le rock. D'où cet album-là, Run David Run, en 1999. Et c'est un très bon album qui ne comporte pas que des chansons extrêmement rock comme celle-ci. Là, voici la preuve, une autre chanson qui s'appelle No Other Baby sur RIG. Là, c'est slow, slow. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles et ce soir, c'est un spécial Paul McCartney. Paul McCartney. La même année, il sort Liverpool Sound College, donc un collage du son de Liverpool, qui est une sorte de truc psychédélique assez peu intéressant. Et il y a également Working Classical un an avant, en 99, donc, pardon, qui lui est plutôt sympa. La reprise de ses chansons connues, même du temps des Beatles, en version classique. C'est écoutable si vous avez envie de rouler pendant longtemps sans entendre de paroles. C'est très très sympa. C'est vrai que je n'en passe pas parce que je préfère privilégier les chansons, mais c'est Working Classical, je vous le conseille. Et puis nous arrivons en 2001. Et en 2001, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous savez, les deux tours. McCartney était à New York. Et au dernier moment, alors qu'il avait déjà pratiquement tout fait de son album, il a fait rajouter une chanson qui s'appelle Freedom, qui est plutôt sympa, avec Eric Clapton à la guitare. Mais je vais vous proposer deux autres morceaux extraits de Driving Rain. C'est Lonely Road et justement Driving Rain sur RG. Extrait du meilleur de Paul McCartney entre 1992 et 2025. Et il en manque. C'est dingue. I tried to get over you. I tried to find something new. But all I could ever do was fill my time with thoughts of you. I tried to go somewhere old, search for my pot of gold, but all I could ever hold inside my mind were thoughts of you. I hear music and it's driving me wild, familiar rhythms in a different style. I hear music and it's driving me wild. Don't. Vous avez remarqué, pour les best-of de Paul McCartney, j'essaie de ne pas trop parler parce que j'essaie de mettre un maximum de musique. Le point de départ de cette chanson-là, McCartney est chez lui, et il y a un tableau, vous savez, pour le tableau de l'alarme et tout ça. Et dessus, il y a quelque chose qui clignote, il y a marqué « Something's open ». Et dans la chanson, si vous avez bien écouté, il dit à un moment donné « Something's open, it's my heart ». Quelque chose est ouvert, c'est mon cœur. Je vous l'ai dit, au minimum un chef-d'œuvre par décennie. Celui-ci, le chef-d'œuvre de cette décennie-là, c'est en 2005, Chaos and Creation in a Backyard, un album absolument indispensable. Au début, lorsque je me le suis acheté, je me souviens, je me disais, ça manque un peu de rock, ça manque un peu de chansons qui envoient du bois, quoi. Et puis finalement, non, ça ne manque de rien. Le climat est absolument génial. Certaines chansons sonnent Beatles comme on n'en ferait pas autrement. Et je vais vous prouver, par exemple. Remettez-vous dans l'ambiance 1966, vous voyez, avec par exemple Here, There and Everywhere. Est-ce que vous ne pensez pas que cette chanson-là aurait très bien pu être dans cet album-là ? Ça s'appelle Jenny Rain. singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. When did I begin to fall? McCartney, excellent, génial, un grand maître depuis 1960. Franchement, ce gars-là est fantastique. C'était Anyway sur l'album Chaos and Creation in the Backyard. Et nous progressons dans les années dans ce spécial Paul McCartney, le deuxième spécial McCartney. Il y en aura un troisième la semaine prochaine. Avec l'album de 2007, il me semble, 2007, oui, Memory Almost Fall. Voici un premier extrait, See Your Sunshine sur RG.

2007. Paul McCartney a 65 ans et il se prend le luxe de faire un clip dans lequel il danse. Il n'a aucun instrument dans ses mains et il danse. Alors, les danseuses qui sont très jolies à côté de lui avaient dit quand même dans un documentaire que ce qu'il avait suggéré comme pas de danse, c'est franchement pas compliqué pour elles. Mais moi, je trouve qu'à 65 ans, chapeau le gars, chapeau. Et j'adore cette chanson, Ever Present Past. Nous avons franchi une année. Nous sommes en 2008 avec un album du Fireman, mais tout le monde sait que c'est Paul McCartney. Alors cette fois-ci, il laisse tomber et il revendique, c'est bien lui, et il chante dessus. Voici Sing the Changes sur RG. Looking for some lady who may be coming round. Every C'est très sympa tout ça, parce que d'après l'ordinateur, je vois que vous êtes encore nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Je vous en cite trois au hasard. Lynn du Lot, par exemple. Et il y a deux personnes qui sont pas loin de chez moi, puisque c'est dans le cabinet de kinésithérapie de ma ville à moi. Ils s'appellent Théo et Paul, chacun chez eux. Ils viennent de m'envoyer un SMS parce que ils ont mon numéro de téléphone. Ils écoutent la saga des Fab Four. Merci les gars, et merci Lynn aussi, et merci à tout le monde, ceux qui écoutent la saga depuis des années et ceux qui la découvrent. Elle a été créée en 1984, cette saga. Ça commence à faire. Hein. Dernier extrait de l'album Electric Arguments, Sun is Shining sur RG. temps passe très très vite quand on aime bien ce qu'on écoute. Paul McCartney, c'est un best-of à nouveau. La semaine dernière, c'était le best-of 1962-1992. Et là, c'est de 1992 à 1990, c'était. Et là, c'est 1992 jusqu'à 2025. On progresse, puisque maintenant, on passe en 2012. Il m'a fait peur, Paul McCartney, en 2012. Parce qu'il nous sort, disons, 42 ans après Ringo Starr, son album de vieilles chansons, avec une voix fatiguée. Je me suis dit, oh mince. Ça me fait penser au dessin animé là, Dora l'exploratrice. Oh mince, McCartney, arrête de chanter comme ça. Voilà. Mais finalement, le réécoutant, non, c'est bien, mais c'était spécial. Heureusement qu'il s'est rattrapé après. Je vous en propose deux extraits. D'abord, la chanson que j'aime beaucoup, c'est Accentuate the Positive. Et puis l'autre, c'est, je l'aime beaucoup parce que elle me rappelle mon album, mon best-of, pas mon best-of, mais je veux dire, mon chef-d'œuvre oublié, celui qui s'appelle Back to the Egg, puisqu'il reprend la chanson Baby's Request dans une sauce jazzy. C'est bien aussi. Attention, je ne veux pas dire de mal ni de cette chanson, ni de la version précédente, qui est la version que l'on connaît. Vous avez compris ma position. Sympa ça, vous êtes dans un bar, avec une jolie fille, ou avec un garçon, comme vous voulez. Et puis voilà. Kim Cattrall. Non, c'est pas elle. McCartney, en tout cas, au chant. You got to accentuate the positive. Eliminate the negative. Latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they say we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. Remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did they do just when everything seemed so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. With Mr. In Between. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go ahead, just one more time before we go to bed. Même ambiance, mais c'est bien aussi, hein, y a pas de problème. Et surtout que l'année suivante, Paul McCartney nous propose un album nouveau, new, et avec de très beaux extraits dedans. Voici déjà Queenie Eye. Queenie Eye, c'est un jeu de l'enfance de McCartney, et il y avait une balle que les gens cachaient sur eux, et tout ça. C'est ce qui s'exprime dans la chanson. Écoutez, écoutez. Who's got the ball? I ain't got it. It isn't in my pocket. Comme ça. Après, il y aura Alligator. J'adore cette chanson-là. J'adore. sleep. I need a place where I can rest my weary bones and have a conversation not too deep. Everybody else is busy doing better than me, and I can see why it is they got someone setting them free. Someone breaking the chains, someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator I can give my alligator to. Everybody seems to know what they're talking about, and I can see why it is they got someone breaking them out. Someone finding a key, someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare to find my key? I want someone to convey me when I get up to my tricks. Whenever I get in a fix, everybody else is busy doing better than me, and I can see why it is they got someone setting them free. Someone breaking the chains, someone letting them be. Could you be that person for me? Setting me free. Could you dare to? Ce qui me fait plaisir en vous proposant ce genre de best-of, c'est que imaginez que chaque semaine, lorsque je vous propose la saga des Fab Four, je ne choisis en principe que 4 chansons pour Lennon, 4 pour Harrison, 4 pour Ringo Starr et 5 pour Paul McCartney, sur toute leur discographie. Autant vous dire que pour Paul McCartney, ça me fait de la peine quand même de passer à côté de tant de chansons. Et puis j'espère aussi que ce soir, ceux qui sont à l'écoute pour la première fois peut-être, ou en tout cas même, et même les autres d'ailleurs, pourquoi pas, j'espère que vous découvrez des chansons que vous n'avez pas écoutées depuis longtemps ou carrément que vous n'avez jamais entendues. Et encore, c'est un best-of, donc c'est censé être des chansons un peu connues, même si je mets ma patte dedans quand même. Et vous avez pu vous rendre compte, chez les copains Harrison, Starr et Lennon, on a pu faire 2 heures. Là, on va en être à 4 heures et on n'est pas rassasié encore. Il faudra attendre la semaine prochaine pour faire le dernier best-of pour se dire, allez, on est presque rassasié, presque. Alors mangeons encore un petit peu de Paul McCartney. Toujours extrait de l'album New, voici Save Us sur RG. Save us now.

Yes, it will now. Impressionnant qu'il sorte encore d'aussi bonne musique aussi tard dans sa vie, quoi. Et quand même, c'est fantastique. 2018, un album extraordinaire que je vous conseille. On reste dans le train. C'est mon petit plaisir là, de cet album-là, vous devez vous en douter. On va déborder au-delà de 22h. Hein. Non, oui, c'est sûr. j'adore. Il reprend comme dans les années 70 des chansons couplées ensemble avec des rythmes différents. J'adore. Il aurait pu faire ça sur scène s'il avait voulu. Mais j'ai compris aussi, j'ai mis du temps, j'ai compris que il est là pour aussi combler le maximum de personnes. Un peu comme les best-of, là, je vous donne des chansons très très connues, ou un petit peu moins connues parce que je triche un peu, mais bon, il a fait tellement de belles chansons, Paul McCartney, tellement. Allez, on voit une dernière extrait de l'album 3 de McCartney en 2020. She's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. She saw it coming at you, you look the other way. But it isn't easy when she rolling in the hay. McCartney n'est toujours pas inactif puisqu'il a fait sa dernière tournée en 2 ans au lieu d'1 pour reposer sa voix et ça lui a très très bien fait, il a eu raison. Et là, il prépare un nouvel album pour 2025, alors on espère qu'il arrivera aussi vite que possible. Je dois vous avouer que cet album 3 là, de Paul McCartney, je ne l'écoute pas. Je le trouve nettement moins bien que l'album Egypt Station qui était pour moi un best-of, enfin un masterpiece, un chef-d'œuvre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais bon. On verra le prochain. Pour la dernière chanson de la saga des Fab Four, je voulais vous montrer que la saga, c'est aussi les nouveautés. Il a été impressionné, Paul McCartney. Comment est-ce que, quand on est une légende vivante comme ce gars-là, comment est-ce qu'on peut être impressionné? Mais il l'est encore, peut-être parce qu'il a toujours 17 ans dans sa tête. Il a accepté de paraître sur l'album The Secret of Life Partners Volume 2, sorti récemment de Madame Barbara Streisand. Et lorsqu'il a dû chanter avec elle, il a été impressionné par la prestance de Madame Barbara Streisand. Voici la chanson, c'est une chanson de Paul, My Valentine, avec Paul sur RG. What if it rained? We didn't care. He said that someday soon the sun was gonna shine, and he was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. à retrouver de la voix et c'est drôlement bien, donc vivement le prochain album en espérant qu'il soit absolument extraordinaire, et je le souhaite, puisque le dernier album livré en tant que masterpiece c'était 2018, on attend la masterpiece des années 20 et on a confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un troisième best-of Paul McCartney et après on essaiera d'éviter d'en faire un quatrième, même si il faudrait pas me tenter trop, je serais capable d'en faire un quatrième. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Paul McCartney et les Beatles. On va changer le nom de l'émission si ça continue. Je vous laisse et pas d'Eric ce soir. Et donc, qui dit pas d'Eric dit... Vous avez vu, on a bien débordé parce qu'on a passé toute la programmation sans en enlever. Et il y a eu donc une chanson bonus juste après le générique. À très bientôt. Bisous aux filles, prenez mon garçon. C'était Thierry Gallet pour la saga des femmes fort numéro 640. Ciao.